Ouais, ouais. 79, voici Passy, dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays, la vie est rude, voyage est donc le prélude. À l'épisode, Nega Sarcelle venu pour faire ses études. Avec l'Aziz, crise au fond de la classe, nos places assises. On baptise nos bis bêtises, nos premiers vices aiguisent. La 5, l'estrange, Goldorak en thème de jeu. C'était les jours heureux pour un petit Renoir fougueux. 13 ans, Timal, l'époque du centre commercial. Mes magasins préférés étaient Brisu et Escale. Ça marchait souvent, donc on y allait tout le temps. T'entends clic clic, clac clac clac pour des briques à braque. Internat après conseil, besoin de supériorité. Car les embrouilles, les années, le HIP m'ont chopé. Moi dans le quartier, poussé à aller taper. J'engrainais les miens, à bouger serré. 91, premier disque, première part dans les bacs. 92, 94, nos tactiques toujours l'attaque. Le roi si en solo pour un nouvel album. Pour les métropoles mais aussi pour les dom-dom. Traître, pourquoi tant de haine? 95, 200, c'est la même. Comme dans le passé, il refrappe, c'est toujours idem. Années 90, entre fonce des Zetla et 16. Les histoires le pèsent en dansant sur des braises. Beaucoup trop de foutage, j'ai souvent vu le chiffre 13. Tout en évitant le père, la chaise. Les profs, le rap, la rue et les cocktails Molotov ont forgé l'altesse, double S en lui offrant une étoffe. Les TAB, la secte, le MA, les RCA, les chauds lapins, la clinique et mon secteur A. Sarcelles, Garchevilliers, PLC, la et t'aimais pas. J'ai trimé dans le son, étant amer et aigre. Règne de la pègre, des nègres intègres. Beaucoup d'ennemis, ça mon pote Bugsy te l'a dit. Mais qui veut la peau du PASSI? Un mec de ma renommée est ciblé, visé. J'ai poussé mon ministère en fréquentant le secondaire. Eu des embrouilles galères ou des balles sifflèrent. Même absent, je vais être de ceux toujours présents. J'en ai sué, j'en ai affaissé. Et pour ceux, tu me connais. Le voici en solo pour un nouvel album. Pour toutes les métropoles, mais aussi pour les dom. À 97, entre les traites, les prises de tête, y'a eu les choses parties en couilles, les changements de facettes. Certains ont pris la meume comme thérapeute, d'autres galèrent, aller-retour derrière les barreaux, c'est vieux. J'ai commencé avec plein de tigres dans la meute, de jeunes prédateurs ayant le goût pour les meutes. Beaucoup à un moment nous ont partiellement quitté, malheureusement, comme Armand, d'autres pour toujours. Respect. La vie du Tchéka pousse les lascars, je ne sais où. J'ai vécu des sales coups et j'en ai appris beaucoup. Bâtiments A et B, dans les sombres quartiers, on s'en prie. Le phénix renaît après qu'on l'ait coupé de sa vie. J'ai une galère comme affaire et un jugement, j'attends. Pour une histoire où nous sommes tous perdants. Maman, pardonne-moi si c'est pourquoi je suis ici. Tous ces diplômes, je n'ai pas conquis. Maman, félicite ton fils, je suis droit dans mes choix. On apprécie ma voix et mon nom prend du poids. Le voici en solo pour un nouvel album. Pour les métropoles, mais aussi pour les dons.